petit à quête veut en être et finit par s'y mettre. Mon blast trouvé, fallait que je donne du style à mes lettres. Les premiers rap que j'écrivais, fallait que je donne du sens à mes textes. Envie de prouver que j'existe et bref, j'étais toujours à l'affût des nouveautés, toujours à la page de ceux qui m'ont connu à cette époque. Le sable, les années collège, entre les hardos et ceux qui écoutaient Vladen. Tout ce que je détestais, pour les bravais, c'était la kiffen ou la soul. Et moi, je me faisais tailler pour rejeter dans un tribu zoulou. Mais malgré tout, y'avait quelques têtes qui étaient dans le coup. Ça tâtait le jota, ça parlait de peura dans la cour. Toujours avec ton wakos, alors qu'est-ce que t'écoutes? Moi, c'est du lourd, faut que je fasse un tout. Prête-moi la cassette. Je te parle du temps, des doudous de chevignons, des vestes carafes. Filant en dinde sur bête troupe, la boucle avec son blast. Si t'avais le blouson starter, c'était la grande classe. Le rap et tout ce qui va avec m'a mis une grande classe. Pour beaucoup, c'était qu'une mode, pour d'autres, une grande place. Moi, c'est vite devenu ma drogue, moi, je suis un grand schlag. Ça fait 15 ans que dans ma vie, ça prend une grande place. 90, 91, je suis déjà dedans, grâce aux incoups, me se casse. 93, mafia crew, SEAH aussi. Le man qui m'a trouvé mon blaze à E1 Possy. Ma banlieue nord et tous ses cartonneurs, à quête douaneur. C'est pour un public averti que je raconte ma vie depuis tout à l'heure. T'inquiète, dealer, que ceux qui savent me comprennent. Ceux qui s'en tapent, zappent, et les vrais se rappellent. Si tu t'en tapes, zappent, seuls les vrais se rappellent. On me dit à quête, t'es un B, c'est des matrix, c'est dans ta DBL. Tu tagues encore, t'écoutes encore des trucs à l'ancienne. Je demande pas qu'on me comprenne, car je comprends qu'on comprenne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, insiste ou pas, ça s'explique pas. Toi qui atteins du même virus, tu piges, l'histoire continue. Ça va faire plus de 10 piges, mais je suis un PG. Je reste en ma DBL, je guette encore, j'écoute encore des trucs à l'ancienne. Le hip-hop, c'est ma culture, mais pas mon milieu. Je suis pas de Paris, moi je l'ai vécu, vers son banlieue. La ligne nord et ses trains gris, les feugrammes m'intriguent. Je restais la tête collée au vide avec de grands yeux. Moi trop curieux, je me disais merde, mais qui fait ça? Ça me fascinait, dans mon secteur fleurissait des gotas de tout part. Toute une époque, toute une histoire. 400 ml, un toc, c'est Paris ton car. Des fois ça montait sur Paname pour faire le tour des shops. Ticarette équivoque, LTD double source. Voir s'il y a le nouveau Get Busy ou le dernier Yours. Les premières tapes de cut ont kiffé les t-shirts de Colt. Mon pote, c'était la tate pas. Direction la Samaritaine, bûcher des postcards. Wagon service sur le retour, on punissait les intérieurs. Allez roule, petit train, faut que mon blast tourne. Une dédicace pour tous ceux qui m'ont influencé de près ou de loin. Ceux avec qui j'ai commencé, sachez que tout on représente et n'oublie rien. Ceux qui m'ont mis bien, j'ai toujours un brin de nostalgie, car aujourd'hui y'a plus la même magie. Perché depuis le jour où le rap est rentré dans ma vie, j'ai toujours souhaité qu'il finisse par exploser. Quand c'est arrivé, je me suis senti dépossédé. Mais, je crache pas dans la soupe. Un groupe qui marche avec la grâce de Dieu, je vis du rap, je vis mon rap, je vide mon sac. Aquette au mic, fidèle à ses principes. On me dit aquette, t'es un B, c'est des matrix, c'est dans ta DBL. Tu tagues encore, t'écoutes encore des trucs à l'ancienne. Je demande pas qu'on me comprenne, car je comprends qu'on comprenne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, insiste ou pas, ça s'explique pas. Toi qui atteins du même virus, tu piges, l'histoire continue. Ça va faire plus de 10 piges, mais je suis un PG. Je reste en ma DBL, je guette encore, j'écoute encore des trucs à l'ancienne. Ni de l'ancienne, ni de la nouvelle école, je suis de la vraie école. Le fusil sur la même épaule, à travers les époques. Je porte le flambeau de la culture la plus au top, à tous les niveaux. Celle qui a révolutionné les règles de l'art classique, la danse, la zik ou la peinture. T'inquiète, on a des pointures dans tous les domaines, même dans la pesa. De nos dégaines à nos thèmes, ils récupèrent ça. Dans le monde de la mode ou dans les pubs, on voit le hip-hop profiter à des putes pour des buts. À l'opposé des nôtres, je lutte, mes potes me disent t'es rude, c'est rien, on s'en bat les reins, c'est du Nesby. Moi aussi j'ai faim d'oseille, mais pas à n'importe quel prix. J'ai ça dans le cœur, je peux t'en parler des heures. Avec les yeux qui brillent, petit, viens pas jouer les puristes, connard. Joue pas le papy, tu vas pas m'enseigner mon art. Toi t'étais où quand y'avait pas de promesse sur le rap? Ah, sur l'assise, j'attendais impatiemment rap plein. Quand ça écoutait le Dynastyle ou Radio Star. Un peu plus tard, couler radical le jeudi soir. Chacun son histoire, chacun sa vision. La mienne est celle d'un man bousillé par sa passion. Venu rendre hommage à sa façon, mais passons. L'histoire continue, laisse couler le son. C'est un peu comme mon cœur qui bat. Si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Viens pas parler rap avec moi, s'il te plaît. Autopique, oui, trop typique, c'est une saveur aromatique. On me dit à quête, t'es un B, c'est des matrix, c'est dans ta DBL. Tu tagues encore, t'écoutes encore des trucs à l'ancienne. Je demande pas qu'on me comprenne, car je comprends qu'on comprenne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, insiste ou pas, ça s'explique pas. Toi qui atteins du même virus, tu piges, l'histoire continue. Ça va faire plus de 10 piges, mais je suis un PG. Je reste en ma DBL, je guette encore, j'écoute encore des trucs à l'ancienne. It's been a long time, I shouldn't have left you without a strong rhyme. Step two, step two, step two.